À un moment donné, quand ça vous fait plus, quand vous êtes plus gêné, vous êtes autant. La gêne, là, c'est des gens très, très timides, c'est des gens très intelligents. Souvent, ils réfléchissent trop, ils pensent trop, ils donnent trop d'importance à ce que les autres vont penser d'eux. Le jour où vous n'aurez plus d'importance subjective accordée à des fausses pensées subjectives à propos d'un faux vous-même qui n'est pas réel, vous allez être plus authentique avec les autres. Tu n'as pas le choix. Quand j'étais enfant, on me disait que j'avais un potentiel au-dessus de la moyenne. Puis par après, quand j'ai été évalué, on m'a dit que j'avais une intelligence supérieure. Mais dans les faits, c'est pas ça que je constate. Je suis vraiment un cave. Il a fallu que je l'accepte, ça. Il a fallu que je me rende compte que je n'étais pas intelligent. Pour quelque part, un petit peu commencer à entrer dans mon intelligence, être un peu moins niaiseux, un peu moins stupide, un peu moins naïf. Je vous dis, j'ai été propriétaire avant l'âge de 30 ans. Je me suis fait fourrer d'aplomb. Parce que je n'étais pas intelligent. J'étais naïf dans le sens que je n'ai pas vu, je n'ai pas senti. Pourtant, intérieurement, je savais, mais je ne voulais pas croire ce que je savais. Je voulais croire ce que je croyais. Je voulais savoir ce que je croyais plutôt que de croire ce que je savais. Ça donne quoi d'être... Il y en a, vous savez, ils sont très, très brillants, très, très intelligents. Puis, ils foutent la merde. C'est ça qu'ils font. Puis, ils sont à des hauts postes, puis ils détruisent des vies. Bon, on va être de plus en plus atteindre notre réel authenticité en devenant réel. Dans le sens que c'est pas important. C'est pas important. C'est important au niveau technique. C'est important techniquement. Si vous allez pour un emprunt à la banque, l'institution pense de vous est important techniquement. Mais c'est tout. Ça n'a aucune valeur. Les êtres humains accordent de la valeur aux choses, mais c'est toujours subjectif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rendu avec une monnaie qui ne vaut rien, sauf par rapport au consensus collectif. C'est parce que l'être humain lui-même, il n'a pas le sens de la réalité. C'est triste, mais